France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le combat du MLF avec notre invitée Anne-Cécile Maillefer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes et ancienne porte-parole du mouvement Oser le féminisme. Alors, pour écrire l'histoire du féminisme, on utilise souvent l'image de la vague, vous savez, pour montrer des périodes fortes du combat, puis son reflux. Alors, le MLF s'inscrirait donc dans la deuxième vague. Avant elle, il y aurait donc la première, c'est logique, celle des suffragettes, au début du siècle. Siècle dernier, et puis il y aurait la troisième vague dans les années 2000 à laquelle on rattache souvent, à tort ou à raison, Oser le féminisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tempo de l'histoire du féminisme ? Je suis pas entièrement d'accord avec l'idée d'une vague, parce qu'une vague, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va s'échouer, puis une autre va la remplacer. Or, en fait, ces vagues, elles continuent d'exister. La seconde vague, qui est effectivement incarnée en France par le MLF, en réalité, continue d'exister. Et moi, je me sens très proche de la seconde vague, par exemple. La troisième vague va apporter de nouveaux sujets. C'est pas vraiment des vagues, en fait, ça va plutôt être un enrichissement progressif des sujets et des thématiques, avec d'ailleurs des divergences aussi nouvelles qui vont exister. Aujourd'hui, il y a des sujets de débat qui n'existaient pas forcément au moment de la seconde vague. En tout cas, voilà, c'est pas aussi clair qu'on aimerait le présenter. Alors, c'est vrai que ça rentre bien dans les livres d'histoire, hein, vague 1, vague 2, vague 3. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Comme souvent. Je parlais de vague quand même parce qu'il y a l'idée du flux et du reflux. Dans les années 50 et 60, le féminisme était quasi tombé en désuétude. C'était pas une préoccupation. Alors, il y a eu des moments de Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a ce creux, là, comme ça ? Il y a eu des moments de creux, puis des moments où les choses sont revenues fortement. Il y a des moments de progrès aussi, il y a des mouvements, effectivement, de retour en arrière, de backlash, comme disent les Américaines. Ça fait partie, dans les mouvements sociaux, c'est général, ça n'appartient pas qu'au féminisme. Il y a eu d'ailleurs aussi, à la fin des années 90, début des années 2000, un moment où c'était un peu plus creux, et puis là, aujourd'hui, on voit que les choses reprennent. À quoi c'est dû, je pourrais pas trop vous donner de raisons très claires. En tout cas, je pense que... C'est un constat, on est d'accord sur le constat. C'est un constat, mais c'est un peu, voilà, on fait trois pas en avant et puis il y a deux pas en arrière, on en a gagné un. Et puis heureusement, ça revient et heureusement, de nouvelles générations reprennent le flambeau, vont adapter les choses, vont les mettre plus avec des thématiques qui vont parler plus fortement dans l'actualité. Et donc ça doit être ça sûrement qui fait que le féminisme revient, heureusement, toujours plus fortement. La condition et la défense de la condition de la femme passe par les artistes aussi. Je pense à John Lennon en 71 et sa chanson « Woman is the nigger of the world » où il dénonçait justement la condition presque d'esclave, parfois des femmes, y compris dans nos sociétés modernes et démocratiques. Et puis bien sûr, il y a les livres, les écrits. Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe » en 1949, qui fait le lien entre le MLF des années 70 et des décennies précédentes. On va l'écouter, Simone de Beauvoir, sur la question du sexisme. C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 45. Et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, ou qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Sexisme, décortiquons ce mot. Oui. Et ce qu'il veut nous dire. Alors, ce que pointe Simone de Beauvoir est évidemment tout à fait juste. J'aimerais juste compléter son propos en rappelant qu'en fait, depuis le 4 août 2014, donc c'est tout neuf, le sexisme, en fait, les discriminations en raison du sexe sont venues compléter l'arsenal répressif des différents types de discrimination. Donc, l'insulte à raison du sexe, ça y est, on peut maintenant le pénaliser. Mais c'est tout récent, c'est 2014. Donc, on voit bien qu'en fait, alors que d'autres schémas de domination et donc de discriminations ont été compris, ont été décortiqués, et on a cherché à lutter contre cela. Sur le sexisme, c'est en fait venu extrêmement tard. Alors c'est sûrement, d'ailleurs comme le disait Françoise Héritier, parce que le sexisme en fait était le système de domination des hommes sur les femmes et la matrice de tous les autres systèmes de domination qu'il est partout. Peut-être qu'on a plus de mal à le voir et donc c'est plus compliqué de le combattre parce qu'il est tellement partout que finalement c'est même plus difficile à l'appréhender. Donc c'est pour ça sûrement que c'est arrivé un peu plus tard. Mais je crois qu'on commence à réussir à comprendre qu'effectivement il n'y a pas une nature, comme disait Simone de Beauvoir, qui vraiment a cherché à démontrer que naturaliser les femmes, faire en sorte de penser qu'il y a des compétences, qu'il y a une nature particulière parce qu'on est né femme, donc parce qu'on a un sexe féminin, on aurait des qualités et des compétences particulières vis-à-vis des hommes. L'ériger en nature, en système naturel, ça c'est vraiment une idée qu'elle a réussi à décortiquer et qui continue aujourd'hui à vraiment influer toute la pensée féministe et qui nous aide aujourd'hui à lutter contre le sexisme, donc ce système de discrimination. Donc Simone de Beauvoir, figure tutélaire du mouvement des femmes, pour les femmes, c'est clair. Mais c'est pas, est-ce qu'il y a des adeptes de Simone de Beauvoir et des opposantes dans le même combat ? Oui, alors il y a effectivement plusieurs mouvements. On va avoir des femmes qui sont plus différentialistes, des femmes qui sont plus essentialistes, c'est-à-dire qui vont dire qu'il y a une essence féminine particulière, que cette essence-là, il faut la revaloriser, il faut lui redonner toute sa place, et il faut surtout pas chercher à montrer qu'il y aurait que finalement nous sommes des êtres humains ou nous sommes des hommes, les femmes sont des hommes comme les autres, donc des humains comme les autres, hein, c'est dans ce sens-là qu'on le pense. Et ces mouvements essentialistes continuent d'exister. D'ailleurs, ils ont parfois des analyses assez justes sur un certain nombre de sujets. Moi, après, je me revendique pas du tout de cette branche-là, parce que pour moi, je pense que si nous avons effectivement un sexe biologique différent des hommes, nous les femmes, tout ce qui a été accolé aux femmes par la suite, tout ce schéma de toutes ces idées sur qu'est-ce que savent faire les femmes mieux que les hommes ou qu'est-ce que savent faire les femmes moins que les hommes d'ailleurs, parce que c'est plutôt ça la plupart du temps, c'est une valeur différente qui est attribuée au féminin et au masculin, c'est vraiment ça qui est la source de la discrimination des femmes par les hommes. Alors, les femmes du MLF, on le voit dans les années 70, sont traitées avec condescendance, voire insulte par les médias de l'époque. Et puis alors, de façon maladroite et en même temps touchante de la part de Jacques Chaban-Delmas, parce que, Chaban, on l'a entendu tout à l'heure quand il dit « je suis content d'être là ». Bon, c'est charmant, hein. C'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Et pourtant, cet homme-là était un moderne, hein. C'était pas la droite conservatrice, errance. Il était moderne, comme l'était d'ailleurs Chaban. Qu'est-ce qui fait que même des hommes modernes comme eux, qui veulent faire bien, finalement, tombent dans le panneau comme ça? Parce que le sexisme, il est tellement enraciné partout qu'en fait, si on n'a pas bien réfléchi au sujet, effectivement, on peut se mettre à dire des énormités. On ne naît pas féministe. En fait, on le devient au fur et à mesure de réfléchir, de déconstruire un certain nombre de choses. Le MLF a été extrêmement caricaturé, hein, dans son histoire, mais ces caricatures-là, elles ont toujours accompagné toutes les différentes phases d'émancipation des femmes. C'est l'antiféminisme, en fait, qui est souvent véhiculé par beaucoup d'hommes et des femmes aussi, qui refusent de voir les choses évoluer, qui refusent de voir qu'on puisse accorder une place plus importante aux femmes dans l'humanité, en fait. On peut dire aussi que c'était un homme de son temps, ça compte aussi. Oui, alors avec ça, là-dessus, j'ai du vrai et du pas vrai. Je savais que j'allais sur des plates-bandes brûlantes en disant cela. Non, mais il y a du vrai et du pas vrai, parce qu'en réalité, quand on regarde même dans l'histoire des idées, Poulain de la Barre, il y a quand même eu des hommes et des femmes, mais des hommes aussi en particulier, depuis plusieurs siècles, très féministes, mais qui ont parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est dans son époque, mais c'est pas parce qu'on est d'une époque qu'on est obligé de raconter, de perpétuer les clichés de cette époque-là. Il y a eu des hommes très féministes à la Renaissance, il y a eu Condorcet, il y a eu d'autres hommes. Condorcet, ben oui. Évidemment. Et donc, en réalité, c'est une excuse un peu facile. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que, disons qu'on peut plus facilement excuser ce genre de paroles et ce genre de comportement à cette époque-là qu'on ne le ferait aujourd'hui, même si, avec toutes les nuances que je viens d'y apporter. Alors, autre grand sujet de débat, comme un fleuve qui passerait là-haut au milieu des deux rives du même combat, le combat pour la condition de la femme, c'est soit on le fait avec la complicité des hommes et de certains hommes, soit on reste entre femmes, c'est la non-mixité. Alors ça, c'est vraiment un vrai choix cornélien, je trouve, d'ailleurs. Alors la non-mixité, ça fait partie des choses très spécifiques de la seconde vague du MLF, puisque ni avant ni après, on est réellement dans une revendication aussi forte de la non-mixité. D'ailleurs, la non-mixité, pour moi, ça fait extrêmement écho à ce qu'on peut entendre aujourd'hui par rapport à d'autres mouvements de lutte contre des discriminations. La non-mixité, on le voit aujourd'hui avec les réunions non-mixtes de mouvements antiracistes, par exemple. En réalité, pour moi, je pense que c'est essentiel d'avoir à certains moments, pour les groupes qui sont discriminés, qui sont dominés, d'avoir des moments en fait où les personnes qui font partie de ce groupe-là peuvent se rassembler entre elles, en l'occurrence, se voir, se regarder, voir qu'en fait elles partagent un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de colères, et qu'en fait elles n'est pas ce qu'on voit souvent dans toutes les réunions féministes à laquelle moi je vais où il y a des hommes, on va passer un certain nombre de temps à expliquer aux hommes qu'est-ce qu'on ressent, alors qu'en fait quand on est entre femmes et que finalement par exemple le harcèlement de rue c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on peut tout à fait partager, aucune femme ne va questionner la réalité du harcèlement de rue, mais vous mettez un homme dans la salle et il va vous dire « Ah bon, mais vous êtes sûr ?» Ouais. Bah oui, on est sûr. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir, mais d'ailleurs, comme c'est dit dans votre propos préliminaire, être entre soi pour pouvoir voir quelles sont la réalité de l'oppression, quelles sont les priorités qu'on souhaite formuler. Et puis ensuite, ce qui est obligatoire, par contre, c'est bien sûr de retourner vers le monde, de retourner vers la mixité, parce que la société, ce sont des hommes et des femmes. La société, l'humanité, c'est des hommes et des femmes. Et donc, en fait, on doit évidemment combattre ensemble par la suite, faire progresser les choses et transformer non seulement la manière dont les femmes se voient elles-mêmes et luttent, mais aussi faire en sorte d'embarquer avec nous des hommes, parce qu'on ne pourra pas changer la société toute seule. Bien. Alors, que pensez-vous maintenant de Françoise Héritier, anthropologue et féministe, décédée récemment ? C'est un modèle, c'est... Oui, absolument. C'est comme d'ailleurs mes aînés du MLF. Pour moi, j'ai une immense admiration pour elle. Et c'est vrai que Françoise Héritier, elle a apporté des concepts et des explications anthropologiques extrêmement importantes qui permettent en fait de nourrir notre combat aujourd'hui. La valence différentielle des sexes parmi les différentes choses qu'elle a pu apporter, mais le fait de bien rappeler, ou en tout cas c'est son analyse, mais moi je pense que je suis en total accord avec elle, le fait de rappeler qu'à la base d'où ça vient la domination masculine, parce qu'il faut trouver une explication, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas l'inverse ou pourquoi c'est pas autre chose, d'où ça vient la domination masculine. Le fait de se rappeler qu'en fait, les femmes ont ce pouvoir qui a été vu par les hommes comme un pouvoir absolument magique, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir d'enfanter d'ailleurs même des petits hommes. C'est-à-dire ce sont les femmes qui fabriquent des petits hommes. Alors ça, c'est merveilleux. Et donc les femmes engendrent du même et du différent. Et ce pouvoir-là, à un moment donné, les hommes se sont rendus compte que c'était qu'en fait, il fallait qu'ils aient la main mise sur ces femmes, sur leur corps et sur leur sexualité, parce que sans cela, ils ne pouvaient pas se reproduire tout seuls, et que le produit qu'ils mettaient à l'intérieur des femmes engendrait des êtres humains, donc il fallait qu'ils suivent vraiment tout ça. Et donc le fait de pouvoir, de se rappeler qu'en fait il y a à la base une domination des hommes sur les femmes, parce qu'à la base, la reproduction et le contrôle de la sexualité sont un facteur extrêmement important, clé, et c'est ça que les hommes souhaitent contrôler à la base, ça permet de se rappeler aussi qu'il faut toujours lutter pour le droit à l'IVG, le droit à la contraception, la liberté sexuelle. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des droits en plus, ce sont des droits fondamentaux. C'est vraiment à la base de la domination masculine et c'est ça qu'il faut démonter pour pouvoir aller vers une société de l'égalité. Vous voulez qu'on écoute Françoise Héritier ? Oui. Bien, une archive de 2015, écoutez. On a fait des progrès gigantesques. Malheureusement, je crains que les jeunes filles, notamment les très jeunes, se prennent au miroir aux alouettes, s'imaginent, parce que les réformes ont eu lieu, que tout est acquis, ce qui n'est pas le cas. Non, les femmes ne sont encore pas, dans notre pays, exactement libres, comme les hommes. demander à une femme de rentrer de nuit à 2h du matin dans un parking, en arrêtant sa voiture dans un parking dans un quartier de mauvaise réputation et qui avait ensuite du chemin à parcourir dans la nuit. Elle appréciera pas beaucoup. Beaucoup de femmes ont toujours peur. La rue, comme on dit, maintenant c'est devenu un leitmotiv. Il faut que les femmes se réapproprient la rue. Mais rien que ça. Vous imaginez l'idée que vous ne pouvez pas vous trouver à votre aise dans un espace public. Totalement à votre aise dans un espace public. Bon, c'est toujours le cas encore aujourd'hui pour les femmes. Alors, qu'est-ce qui reste à changer? C'est la volonté politique, d'abord. Hein, il faut véritablement qu'on se rende compte que c'est du fondamental tout autant que le problème écologique, enfin, les problèmes de la relation homme-femme. C'est ce sur quoi sont basées nos sociétés. Et si on ne le change pas, ça sera l'énorme échec de l'humanité. L'énorme échec de l'humanité. Bon, j'imagine que vous adhérez à ce propos. Bien. Absolument. Alors, oser le féminisme, moi ça m'interpelle. Pourquoi oser le féminisme dont vous aviez été porte-parole? Qu'est-ce que ça veut dire oser le féminisme? Comme si le féminisme était encore transgressif. Il n'est plus transgressif, il est légitime. Pourquoi oser le féminisme? Pourquoi pas soyons? Parce qu'il est... C'est vrai que c'est étrange de voir à quel point un mouvement qui est aussi humaniste, c'est-à-dire qui proclame tout simplement l'égalité entre les êtres humains, qui est aussi pacifiste d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler que le féminisme n'a jamais commis aucun attentat, n'a jamais tué personne, qui a permis autant de progrès dans l'humanité, à autant d'individus, d'êtres humains, de ne plus être pauvres, de ne plus être exploités, de ne plus être dominés, de trouver la liberté, de parler de cette liberté-là, à quel point ce combat absolument humaniste est aussi décrié. Moi, c'est un truc qui toujours m'interpelle. Les résistances face au féminisme m'interpellent énormément. Alors, c'est aussi, bien sûr, parce que justement, il y a la domination masculine qui ne se laisse pas faire. Mais quand même, oui, c'est étrange de savoir qu'un mouvement créé à la fin des années 2000, s'appelle Oser le féminisme, alors que ça fait plus d'une centaine d'années qu'il y a des féministes et qui font des choses incroyables pour la population, qui ont permis à la moitié de la population française d'accéder au droit de vote, au droit à l'avortement, ont changé, enfin c'est fabuleux tout ce qu'on a grâce à elles quand même, et qu'il faille encore se battre pour, quand on se dit féministe, et qu'on entend encore des femmes d'ailleurs, dire « je ne suis pas féministe, mais quand même elles ont raison ». C'est vrai qu'on entend souvent ça. Voilà. Comment vous avez réagi à l'affaire Weinstein et toutes les révélations? Je trouve qu'il s'est passé quelque chose de très important et je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait déclencher une telle vague populaire, parce que de ce que j'entends, on n'est pas uniquement sur des médias qui vont s'agiter, sur quelques personnalités ou quelques associations. En fait, on est bien sur une réflexion vis-à-vis des violences faites aux femmes qui a secoué l'ensemble de la population française, aussi bien des femmes qui, dans leur entreprise, se posent la question pour la première fois de savoir si elles n'ont-elles pas été harcelées. On voit des jeunes filles, on voit des femmes plus âgées, et donc tout à coup le sujet des violences faites aux femmes est devenu un sujet réel, légitime, puisque pour la première fois, on a quand même parlé des violences faites aux femmes sans trop, alors un peu, mais sans trop remettre en question leurs paroles, en condamnant fermement les violences faites aux femmes, alors qu'on a pu entendre par le passé des choses affreuses vis-à-vis des violences faites aux femmes qui rendent les femmes assez coupables de tout ça. Là, on a quand même eu que des discours, enfin la majorité des discours qui ont permis en fait aux femmes de vraiment se sentir libre de parler. Ce sera le mot de la fin, ce mot d'actualité. Merci infiniment. Anne-Cécile Mailfer, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le MLF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons ce qu'on appelle le Dark Web.